Soyez tous salués et merci d'être branchés sur ma chaîne YouTube. C'est un enregistrement que je fais en préenregistré. Vous le verrez plus tard quand il sera disponible sur, comment dirais-je, disponible au public. Avant de démarrer, bien sûr, j'aimerais ici vous donner un petit son. Et c'est un son que j'ai eu de quelque part auprès de Mouzengue et qui valorise notre culture. Je n'ai aucun droit d'auteur sur cette belle chanson qui nous est chantée par le grand frère Papenzengi. Et vous le connaissez tous, au niveau du Gabon, bien sûr, et même à l'international, hein, il a participé. Donc, c'est cette chanson que nous allons tout de suite balancer avant de vous lancer les grands thèmes de notre discussion. Merci encore. Merci beaucoup. Je tiens donc à remercier Papa Nzengi, là, que nous connaissons tous. Je m'en souviens, j'étais encore tout jeune. Alors là, ce monsieur, je lui donne beaucoup de crédit. Il a sûrement le secret de l'éternité. Je ne sais pas, ce monsieur, personne ne peut dire son âge, parce que je m'en souviens, j'étais encore tout petit, mais il est resté le même. Bien, aujourd'hui donc, je vais aborder deux thématiques. La première thématique, je crois en avoir déjà parlé, mais je vais donner une position claire. C'est la position de l'initié des grands mystères. Car, personnellement, j'ai expérimenté. J'ai expérimenté et je suis rentré en possession de ces belles créatures qu'on prétend présenter sur les réseaux sociaux, comme quoi on a attrapé des sirènes. D'accord? Et dans cette notion de sirène, il faut d'abord qu'on comprenne ce que c'est. Parce qu'il y a trop de confusion. Ça, c'est le premier débat. En fait, la première thématique. C'est une seule thématique, mais en deux sujets. Le deuxième sujet, est-ce que c'est vrai qu'un sorcier peut se servir de votre sémence, de votre liquide séminal, pour parler un peu de manière scientifique, hein, ce que nous appelons et que nous connaissons tous sous le nom de sperme. Est-ce que votre sémence ou votre liquide séminal qui vous permet de reproduire, d'avoir des enfants, du côté de l'homme bien sûr, car chez la femme, nous le savons, ce sont les ovules. Est-ce que cette sémence-là peut contribuer à des pratiques sorcières? Et peut-elle également servir dans le cadre scientifique? Et voilà, donc, lancer la thématique du jour. C'est rien n'est tabou, mais tout est scientifique et tout est possibilité d'explication. Même tout ce qui paraît paranormal peut être expliqué à l'état normal. Parce que les humains sont trop habitués au sensationnel. Mais il est souvent important de pouvoir expliquer les choses pour que les humains comprennent. D'accord? Nous allons un peu aller dans ce monde des sirènes. Qu'est-ce que c'est une sirène? Ben, dans la mythologie grecque, bon, ça c'est tout récent, je peux même vous amener jusqu'en Égypte. Bon, commençons d'abord dans la mythologie grecque. Pour eux, les sirènes sont des créatures dangereuses qui souvent vivaient à côté des marins. Et il y a certains marins qui savaient comment les charmer. Ils mettaient souvent de la musique. C'est du côté des blancs. Ils mettaient cette musique et ces sirènes s'intéressaient à écouter. Souvent, la plupart des cas, c'était des marins qui les rencontraient. Et on les trouvait parfois sur certaines îles. Et dans certaines traditions, on représentait ces sirènes sous diverses formes. Voyez-vous? Et leurs formes variaient parce que dans la tradition grecque encore, et les formes étaient presque similaires à celles que vous voyez aujourd'hui. C'est-à-dire que d'autres, on les présentait avec des ailes. Ça, c'est dans la mythologie grecque, bien sûr. D'autres, par contre, avaient la forme d'oiseaux. D'autres avaient la forme de poissons. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'au niveau des pieds, c'était... En fait, les pieds ne pouvaient pas être bien distingués ou remarqués car ces pieds avaient la forme de cette grosse... on appelle ça comment sur le poisson? La queue. Cette grosse queue était représentait un peu les pieds de cette sirène. Mais du côté du ventre jusqu'à la tête, c'était plutôt une forme humaine. Et avec le temps, c'est devenu ce qu'on appelle les Mami Wata aujourd'hui. En Inde, on les trouve. En Afrique, on les trouve. Et ces sirènes, d'après M. Leonardo da Vinci, que vous connaissez, émettent des chansons. Il y a des sons. Alors, je suis un peu gêné parce que en tant que mystique, initié des grands mystères, venir parler de la sirène, qui est une créature que tout le monde connaît, je vais vous donner deux références. La première référence, c'est une référence qui se passe à l'époque de l'Atlantide. L'époque que les biblistes appellent l'époque du déluge universel. Selon les mythologies, là encore, c'est aussi dans la documentation historique. Les messagers de Dieu, ce que nous appelons communément les anges, ces messagers donc qui faisaient des va-et-vient entre la terre et d'autres plans, que les religieux appellent les cieux, les va-et-vient qu'ils faisaient entre la terre et les cieux, entre la terre et le royaume de l'Éternel, disent les écrits, leur mission était d'apporter des messages, des avertissements, ce que vous pouvez appeler des prophéties. C'était le rôle de ces messagers-là. Bon, malheureusement, la mythologie gréco-romaine a, comme on venait de le parler de l'affaire des sirènes, souvent, ils représentent les anges avec les ailes d'oiseaux. Mais je vous en informe, je vous dis bien que ça n'est pas le cas. Parce que si vous lisez l'histoire de M. Lot, qui est une histoire vraie, qui, dans l'Antiquité, dans l'Égypte antique, antique, autant pour moi, portait un autre nom parce que je vous informe que toutes ces histoires que vous voyez dans la Genèse, l'Exode, la Deutéronome et toutes ces histoires-là, se passent dans la Mésopotamie. Donc voilà encore une fois de plus, veuillez m'excuser, mais c'est dommage que beaucoup de personnes, les historiens, chacun va vous apporter sa part de vérité sur ce. Et c'est difficile pour vous, le commun des mortels, pour savoir exactement quelle est la vérité. Mais ce que je sais, les documents que moi j'ai lus, que je fais, ce qu'on appelle l'étude de comparaison entre les écrits que les Romains ont rattrapés et les écrits originaux qui datent de la Mésopotamie, ce qui est sûr et certain, l'histoire de M. Lot est une histoire bel et bien vraie. Justement, je voulais parler de Noé, autant pour moi, pardonnez-moi. Donc, Noé, on nous dit que Noé a été et fut alerté par les dieux, par le Créateur, et que ce dernier lui aurait dit que, à cause de la méchanceté qui sévit sur la planète, il va falloir qu'il extermine cette population et il regrette les avoir créés. C'est ainsi qu'on parle du fameux déluge. Mais quel était l'objectif? Quel était en fait le projet des dieux, les Elohim? C'est-à-dire les génies, ou encore, si vous voulez, attribuer cela à Dieu le Père. Mais en réalité, ce n'est pas lui qui agit. Lui, il agit par pouvoir délégatoire. Quel était en fait leur projet? Le projet, c'était de faire disparaître une population qui était enclin au mal. Le mal prédominait tellement que Dieu dira, je regrette d'avoir créé l'homme. Pourquoi il s'empire à faire trop le mal? Un peu similaire à ce qui se passe aujourd'hui. Alors Dieu décide, avant cela, il constate quelque chose, parlant justement des messagers. Ces messagers, en fait, quel était le résultat du mal, selon l'histoire que je retrouve dans le livre des Chinois qu'on appelle Cox Cox. Cox Cox qui était le sauveur des Chinois. Mais Cox Cox en question, c'est le nom de Noé. Vous pouvez vérifier ça dans le shintoïsme japonais et dans le bouddhisme, on parle de ce monsieur-là, Noé, mais on l'appelle Cox Cox. Alors, monsieur Noé, donc, avant d'en arriver à son histoire, les messagers de Dieu avaient détourné leur attention au lieu d'assumer le boulot, le travail, leur tâche qui leur est assignée. Ils se sont plutôt tournés vers la beauté des créatures humaines. Les écrits donc de la Torah, de la Bible, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, même dans la Benda Vista et dans le livre des Mazdéens, donc dans la pratique de Mazda, dans le bouddhisme, cette histoire est contée sous diverses formes, mais avec des différents acteurs, c'est-à-dire des différents noms. Chez les Chinois, je vous ai dit, on l'appelait Cox Cox. Et c'est ainsi que cela va nous amener à l'époque, dira-t-on, de la relation entre les messagers de Dieu, donc qui sont des êtres désincarnés. Ces êtres désincarnés, que sont communément appelés les anges, vont s'incarner et prendre les formes humaines. Ça se fait jusqu'aujourd'hui, je vous informe, hein. Ça s'est fait jusqu'aujourd'hui. J'en parle dans un enseignement que parfois Dieu, pour vous tester, peut prendre la forme d'un vieillard qui vient quémander. J'ai été victime dans les années, 89-90, ça pour gentil. Un vieux qui vient me visiter, j'étais avec mon dernier bout de pain, il vient, il me supplie, il pleure, vraiment, donnez-moi à manger, j'en ai besoin. Et je donne ce que j'avais, tout ce qui était de ce que j'ai donné. Et le temps de lui donner cela, de me soucier, de lui donner même des boîtes qui me restaient, je suis resté zéro, et que je parte à la maison, je ressors, j'ouvre la porte, je me posais la question, mais qui l'a amené si loin, hein? Le camp de la SCG qui est en face de la CFG à Port-Gentil, les gens connaissent. J'étais chez une amie à l'époque, Dieu et son âme, qui était témoin de Jéhovah. La scène se passe là, je me pose des questions, mais le vieux est parti où? Je demande à tout le monde dans le quartier, le monsieur, j'ai vu un monsieur barbu, un vieux papa, il n'avait même pas de chaussures, des habits déchirés. Ils me disent, monsieur Mournoubié, pardon, vous êtes témoin, je vais vous délirer là, qu'est-ce qui ne va pas? J'étais obligé de me taire. Donc ça, c'est une créature invisible. C'est Dieu qui agit comme ça, ce sont les mystères. Les gens pensent qu'il ne... Je crois qu'il est écrit quelque part que le Créateur, Dieu, est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Donc, il se manifeste toujours d'une manière ou d'une autre. De la même manière, justement, de M. Abraham qui reçoit la visite, vous connaissez l'histoire, de trois visiteurs ou deux qui viennent lui parler. Mais les biblistes disent que c'est des anges. Et puis ces anges vont disparaître parce que Abraham savait très bien. Nos frères du monde de l'au-delà, du monde d'autres plans, donc les génies, ils peuvent prendre la forme humaine. Oui, il y a cette probabilité. Donc, ces anges, disais-je, les messagers, venaient avoir des rapports sexuels avec des belles femmes ici-bas. Et le résultat de leur union, c'était des créatures presque hybrides. Moi, je les appelle des humanoïdes, qui étaient assez exceptionnels. Et l'un d'eux, c'est le fameux Goliath qui descendrait de cette famille. Et récemment, là, vers les années 2013-2014, ici aux États-Unis, on a découvert, ils ont fait des fouilles, ils ont découvert des squelettes de mecs qui mesuraient jusqu'à 7 mètres de taille. Imaginez-vous 7 mètres de taille, mon Dieu. C'est presque d'ici à la porte de ma cuisine jusqu'à la porte du salon là-bas. C'est quand même énorme, ça c'est... C'est quelqu'un qui peut se mettre debout jusqu'au premier étage de la maison. Donc ces mecs-là, je vous informe également qu'en 2018, je crois, des dernières attaques en Afghanistan là-bas, les Américains, on a découvert que certains Américains disparaissaient, on trouvait les corps broyés. Et quand ils ont fouillé, c'était des êtres qui mesuraient jusqu'à 15 mètres de taille. On les appelle les monstres qui vivent dans les montagnes de l'Afghanistan. C'est des preuves, ce n'est pas du montage, ils existent. Ils existent toujours jusqu'à nos jours. C'était les descendants, si vous voulez, hybrides. Ces créatures qui résultaient de la relation entre les anges et les femmes. Et c'est en fait à partir de là qu'il y a eu la violence. Puisque la preuve en est que la dernière guerre en Irak et en Afghanistan, là, Pakistan, partout là, on les a vus. Et quand on les voit, ils attrapent les hélicoptères. C'est des trucs classés dossiers secrets par... les Américains, mais beaucoup d'Américains ont été bouffés, littéralement bouffés, mangés par ces créatures-là. Alors c'est ainsi donc que Dieu décrète, n'est-ce pas, une fin du monde. En fait, c'était à cause d'eux qu'il y a eu une violence. Parce que ces mecs-là, qui avaient une moyenne de 10 mètres de taille, brutalisaient les pauvres humains. Et c'est ainsi que ces messagers qui sont les anges venaient toujours sur terre faire leurs aventures. Ils faisaient les va-et-vient. Donc, par décret, Dieu décide que, écoutez, enough is enough. Donc, il décide de mettre fin à ces mecs-là et il va créer ce que vous connaissez et que vous entendez parler, le fameux déluge. Ceci, donc, dans les archives de l'histoire, on appelle ça la disparition du monde de l'Atlantide. Voilà, les Atlantéens, c'était ces mecs-là qui avaient atteint une haute technologie, mais les gens ne vont pas vous en parler. Même le fameux bateau, dont le bateau qu'on nous parle, que Noé aurait construit, ce n'est pas au sens littéral un truc que vous voyez là, un petit bateau. C'est un truc, un montage, une grande machine, comment dirais-je. Il y avait de la haute technologie. Les premiers à gravir, à monter à la Lune, ce n'est pas nous. Mais c'est dans notre monde moderne, vous savez. Le monde se ressemble et l'histoire a tendance à se répéter. Donc le déluge tombe. Une pluie torrentielle. Ce taux de pluviosité va faire disparaître jusqu'à certaines montagnes. Maintenant, les anges qui étaient impliqués dans ces pratiques nauséabondes, au lieu d'assumer leur tâche, c'est de venir s'intéresser aux femmes, certains ont été surpris. Et je vous signale que les êtres invisibles, en dehors de nos ancêtres qui gardent leur identité, le genre masculin et féminin, mais en réalité, les génies ou les anges, ils n'ont pas de sexe. Ils prennent la forme du sexe lorsqu'ils viennent sur Terre. Je vous informe, c'est lorsqu'ils se matérialisent. Il y a même une expression qu'on appelle hermaphrodite. Donc, ils ne sont ni femme ni homme. Mais c'est lorsqu'ils veulent se présenter à une femme, ils peuvent prendre la forme d'une forme féminine. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a sexe en bas. Ils peuvent prendre la forme humaine. Mais pour le cas de cette brutalité de l'époque de l'Atlantide, ces mecs-là avaient, prenaient la forme humaine, avoir des contacts sexuels avec les femmes. Donc c'est de là, surpris, certains qui étaient surpris par cette eau-là, par cette pluie, ou encore le grand déluge, puisque on nous dit que ça a duré 40 jours et 40 nuits. Et là, le nombre 40, bien sûr, est bien expliqué, puisque Jésus, le chrétien, nous parle d'un jeûne de 40, 40 jours et 40 nuits. Le nombre 40 a beaucoup de significations. Moïse, qui quitte l'Égypte à l'âge de 40 ans et disparaît pendant, il quitte l'Égypte à 40 ans, il passe 40 ans en Mésopotamie chez son beau-frère Jéthro. Donc, le nombre 40 est très important dans la pratique magique. Donc, après les 40 jours, qu'est-ce qui se passe? Et même pendant que les pluies tombent, ces anges qui étaient surpris, puisqu'il est écrit dans la plupart de ces livres saints que finalement Dieu, pour les anges qui faisaient ces pratiques, l'entrée dans le royaume leur était niée, denied. The access to the kingdom of the Lord was denied because of their practices, being involved in human activities where they are not supposed to be involved in. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, ceci étant, ces mecs qui étaient surpris, ils se sont retrouvés coincés sur terre. Et quand la pluie est tombée, beaucoup d'entre eux se sont retrouvés dans les eaux. Ce qui va expliquer pour certains qu'ils auront maintenant une forme humanoïde. Et ceux-là, ils font partie de la famille maintenant des reptiliens. Ils sont classés. Je parle maintenant des la première explication de ces sirènes-là. Donc, ils se sont retrouvés avec les queues de poisson et le haut là-bas, c'est le corps humain. Le corps humain qui se dématérialisait pour pouvoir aller vers les royaumes des cieux. Mais comme ils étaient privés de la lumière divine, Dieu leur a dit, niet, dans vos bêtises que vous faites, ne revenez plus ici. Donc ils ont été donc, si vous voulez, surpris dans cet état. Alors c'est ainsi qu'ils se retrouvent avec des corps semi-humains et animaux. Et c'est ainsi qu'ils se sont retrouvés dans ces grottes. Voilà pourquoi on trouve beaucoup. Et vous savez que l'une des parties où le déluge avait un peu épargné les gens, c'est dans la zone de la Grèce, dans la zone où il y avait beaucoup de grandes montagnes, là. La Turquie et tout cela. Voilà, vous partez dans ces zones-là, vous trouverez beaucoup de ces créatures-là, parce qu'ils aiment vivre dans ces zones. Chez moi, au Gabon, c'est pareil. Vous allez dans la zone de Mouila, dans la zone de Ibounzi, il y en a plein, parce que c'est dans ces zones qu'ils se sont réfugiés après ce grand déluge-là. Donc, premier phénomène. C'était des anges déchus, si vous voulez. Ce sont ces anges déchus-là qui, finalement, ayant perdu les privilèges de repartir vers la lumière du royaume, eh bien, se dématérialisant dans cette surprise par cela et la punition du Père Céleste, alors ils se retrouvent dans cet état. Vous allez me poser la question, mais comment ils font pour se multiplier? Mais oui, il y a des sirènes mâles et des sirènes féminines. Ils s'accouplent, ils font des enfants. Donc c'est ainsi que privé, donc, voilà comme je disais, c'est ça la source. Maintenant, deuxième aspect, qui est l'aspect purement métaphysique, mystique. Qu'est-ce qui fait de ces créatures des créatures assez spéciales? Eh bien, il y a des documentaires qu'on a montrés, il y a des gens qui ont étudié, et selon le journal américain, j'oublie le nom du journal parce qu'il faut donner quand même une référence bien connue, j'ai lu ça, ils ont dit que ces créatures-là, puisqu'ils ont réussi à capter, je vous donne un témoignage qu'à Lambaréné, en 1973-74, quand les Hollandais construisaient le pont de Lambaréné, là, entre 75, ils avaient commencé fin 73 jusqu'en 75, le pont d'Adouma et de Lambaréné. Pas on a vu, pas on a dit, moi-même j'ai vu, j'étais tout jeune encore, je partais à l'école de Saint-François-Xavier Fille. À l'époque, nous utilisions les orbores pour traverser pendant qu'ils étaient en train de construire le pont. Mais dans cette zone-là, effectivement, ils ont attrapé une sirène, c'est là pour la première fois que j'ai vu. Mais les Blancs, là, les Hollandais, là, ils ont dit, niet, ils ne vont pas montrer ça au public. Ils l'ont attaché, ils l'ont mis dans une cage. Et c'est ainsi qu'elle était là, les yeux fermés. Un moment, quand on venait de l'école, on avait la curiosité. Mais tous ceux qui étaient surpris par le regard de cette sirène-là, beaucoup étaient morts. Moi, personnellement, quand on me parlait de ça, on nous demandait d'aller regarder la cage. Elle était enfermée. Donc, je ne l'ai pas vu, mais j'ai seulement vu la queue. Mais le visage, tout, les Hollandais, c'est comme s'ils avaient, je ne sais pas, des informations sur ces histoires-là. Et Je ne sais pas quelle expérience qu'ils ont fait avec cette sirène-là. Ça avait même créé des incidents. À l'époque, c'est M. Raoul Raimondo qui était le maire de Lambaréné. Je vous parle de quelque chose que moi-même j'ai vécu. Ça a créé des remous. Les Hollandais ont menti que non, ils ont relâché la sirène dans les eaux. Alors que c'était faux. Conséquence, pour maintenant avancer le pont d'Adouma, qui vous amène pour traverser Lambaréné, pour maintenant traverser du côté de Libreville. Le pont-là s'appelle Adouma. Pour ceux qui sont au Gabon, savent de quoi je parle. Ce pont-là, mettre le dame-dame là, taper, taper, taper, 0 à 0. Tous les génies là, les sirènes l'ont refusé. Il a fallu voir les grands gangas à l'époque. Les oncles du vieux Desayo que vous avez connu, qui était le grand ganga, je ne sais pas s'il vit encore, ce monsieur-là. Hein, des gangas, qui était un grand bouddhiste, qui travaillait même pour le vieux Omar à l'époque. Ses oncles, les vieux papas là, les grands sorciers qui étaient là, pas dans le sens négatif bien sûr, ils étaient obligés de faire des cérémonies. Et les génies leur ont dit, il faut des sacrifices. Alors, je vous dis, c'est une histoire vraie. Il y a eu près de 4 Hollandais qui étaient morts. Les corps ont disparu. Les Hollandais, ce sont eux qui ont conçu les ponts de Lambaréné là. Et ils ont eu le business jusqu'à Mouila, partout, partout, les ponts que vous voyez. Bref, c'est là pour la première fois que je vois cette affaire-là. À Mouila-Mangondou également, au lac Bleu, à certaines heures, moi, je n'ai pas vu. Mais j'ai des amis, des parents qui voyaient le soir comme ça là, elle apparaissait, mais à distance, vous ne pouvez pas la voir. Ça, c'est la première information. Et deuxième information mystico-spirituelle, seuls les initiés des grands mystères qui peuvent voir une sirène et qui peuvent l'attraper. Si vous n'êtes pas initié, vous ne pouvez pas attraper une sirène. Celui qui va vous dire que il a attrapé la sirène. Oh. Même les Hollandais, là, pourquoi M. Raimondo, Raoul, le grand, le maire de Lambaréné? Pourquoi il s'était fâché? Pourquoi le vieux Rahuri, à l'époque, s'était fâché? Mais parce que ça sont des créatures qui gardent des pouvoirs. Les Hollandais, même, qui avaient attrapé, je vous dis, 4 sont morts. La suite, on ne sait pas s'ils ont réussi à amener la sirène là en Hollande ou quoi. Ça, je ne peux pas vous dire. Mais ce qui est sûr, il y a eu 4 Rwandais qui étaient morts. Ça a bousculé tout l'embaréné dans les années 74 jusqu'en 75. Donc la sirène, ce n'est pas ce qu'on vous montre dans les réseaux. Ce qu'on vous montre dans les réseaux là, c'est faux. Je vous le dis en tant qu'initié des grands mystères. Je le répète, une sirène. D'abord, elle a la capacité, tout comme les anges. La sirène que vous voyez là. La journée. Vous pouvez la voir avec la forme de la queue de poisson. On le voyait au lac Bleu. Au lac Bleu, vous voyez la forme de poisson sous le pont là, elle part, elle part, elle part. Des fois, elles apparaissaient. Si vous avez la chance, elle va apparaître, elle bouge ses cheveux. Elles ont des longs cheveux. Elles peuvent être de couleur, elles peuvent être de race métisse, noire, blanc, ça dépend. Les sirènes qu'on trouve par exemple en Grèce, elles sont de teint clair. Sûrement à cause des eaux. Vous savez que l'eau froide, moi, je n'étais pas aussi clair à l'époque. Mais c'est parce que je travaille beaucoup en mer, le vent qui souffle, et j'arrive au pays, là, l'état où je suis, c'est l'un des états les plus froids. Ce qui fait que mon teint, au fur et à mesure, s'éclaircit. C'est normal. Je ne prends pas des éclaircissants ou bien les Kwanzaa. Donc, ces entités-là, c'est pareil. Celles qui vivent dans les zones de l'Afrique, du Sud, du Gabon, du Congo, l'Angola, il y en a plein. Mais personne, je le répète, ne peut les voir. Personne. Il y a une qu'on avait vue. Quelqu'un a voulu capter l'image au niveau de Libreville. Mais elle a fini par tomber dans les eaux. Parce que personne ne pouvait l'approcher. Elles ont des pouvoirs terribles. Et souvent, celles qui font ce genre de choses, ce sont les sirènes féminines. Les masculines, on ne les voit pas. Au point où les gens pensaient que Mami Wata s'applique seulement, c'est que les sirènes sont seulement femmes-femmes. Mais non, elles se multiplient, elles font des enfants. La sirène a la capacité de prendre la forme humaine que vous voyez. Maintenant, pour ceux qui font la pratique de sorcière, je vous fais mon témoignage. Moi, par exemple, quand j'avais reçu mon portefeuille à une heure précise, quand j'étais parti avec un vieux papa Ngoué, je vous parle de ça tous les jours, quand on est parti en mer. Mais c'est une femme que j'ai vue. Elle est venue. Et on nous dit qu'on m'avait donné des consignes, parmi lesquelles, quand elle apparaît, il ne faut pas tourner le dos. Il faut marcher à reculons. Et c'est comme cela, j'ai vu la scène, elle marchait presque sur les eaux. Cette fois-ci, sans la queue, hein, mais avec les pieds humains. Parce que quand elle apparaît devant un sorcier, un grand initié, elle apparaît sous sa forme réelle. Sous la forme de Maman Lilith, la première maman. Pour ceux qui ne le savent pas. La première femme de notre papa Adam. Elle s'appelait Lilith, non? Vous savez? Mais Lilith, quand elle avait disparu, elle n'avait pas disparu avec une queue. Elle a disparu avec ses vrais pieds. Donc, c'est la même chose. Ces sirènes-là, là, je vous parle maintenant dans le domaine mystique. Ces sirènes, maintenant, apparaissent sous une forme purement humaine. Vous la verrez. J'explique le rite, comment la convoquer. J'explique cela dans l'une des vidéos il y a 5 ans. Vous lui faites la table, vous posez la nourriture, vous posez ce qu'il faut, les bonbons, les limonades, tout, tout, tout, tout, tout. Pareil, le rite est presque similaire en termes de préparation. Comme le rite que je vous ai donné, comment vous en débarrasser ou bien comment vous réconcilier avec votre mari de nuit ou votre femme de nuit. C'est pareil. C'est des entités qui appartiennent à d'autres dimensions. Donc, je répète encore que les sirènes, ce ne sont pas des créatures que un commun des mortels peut aller attraper dans le trémail ou bien pêcher. C'est faux. Je le dis, c'est faux. Je sais que dans les réseaux sociaux, il y a des vidéos où on les montre. Ici, j'étais déjà ici, il y avait un truc qu'on appelait l'ouragan Katrina qui s'était passé à New Orleans, en Louisiane. On a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup, après cet ouragan-là, beaucoup de sirènes qui étaient maintenant abandonnées à cause des produits pétroliers. Donc, certaines ont été surprises. On les a trouvés dans les palutiviers, des arbres là. Des arbres assez spéciaux. C'est là où ces créatures-là venaient la nuit. Et comme vous le savez, dans la Louisiane, l'état de New Orleans, la ville de New Orleans, c'est la ville la plus sorcière également, Saint Charles. Moi, j'ai été là-bas. C'est là-bas où il y a le vaudou en plein. Donc, beaucoup de ces créatures-là étaient dans ces zones-là à cause des pratiques sorcières que les mecs faisaient. La journée, ces créatures apparaissent avec les pieds, deux pieds, comme une vraie. Maintenant que mes détracteurs là, avant de venir dire n'importe quoi contre ce que je dis, faites vos recherches. Retenez que la sirène se manifeste sous deux formes. Sa forme réelle, si vous avez la chance, c'est forme animale et humaine. Il y a certaines qui vivent même dans la brousse, on les voit, forme de pied. C'est pour cela que les Grecs sont venus avec l'affaire. Regardez les signes astrologiques. On montre un humain en haut et en bas, c'est le taureau ou quoi. Mais parce que dans leur mythe, il y a les sirènes qu'on voyait sous cette forme-là. C'est même utilisé dans nos publicités américaines ici. On montre un homme et en bas, c'est la moto. Tout ça, ça prorigine les sirènes. Parce que la sirène, c'est cette créature-là qui est à la fois mi-humaine et mi-animal ou poisson. Donc, dans sa forme originale, retenez cela. Et dans la forme mystico-spirituelle, elle apparaît sous une vraie forme. On les invoque, elles apparaissent. J'ai été témoin, j'ai été amené par des vieux papas, j'ai fait des cérémonies, d'accord? C'était très courant au lac Enugu, au Nigeria, il y en a plein, elles apparaissent souvent. La plupart des sorciers vous amènent là-bas, quand vous voulez des portefeuilles pour vous rendre riche, c'est elles qui vous apportent cette prospérité. Si vous voulez garder une relation avec elles pour le reste de votre vie, ben vous, il n'y a pas de problème, il suffit de respecter son contrat. C'est-à-dire, vous n'avez pas le droit d'avoir une autre femme. Vous vivrez longtemps, je connais beaucoup de mecs. Je connais des Congolais, des Gabonais, des Camerounais, qui sont très riches, prospères. Ils ont ces mamans-là, les sirènes. Maintenant, il y a des âges. D'accord? Ça, c'est dans le monde mystique. Pour conclure sur cette affaire des sirènes, que si vous voyez une sirène qui est postée, d'abord les sirènes, je vous informe, il y a des heures où parfois elles sortent. Souvent, c'est entre midi et 15 heures. Au Gabon, on l'a noté. Il y a un frère, vous le connaissez, il était le secrétaire général du ministère du pétrole. Que Dieu ait son âme. Il a été attiré par ces sirènes-là. Dans la zone de Bimongo, là-bas, vers Mouila. Vous le savez, vous connaissez l'histoire. Je n'invente rien. Mais l'erreur qu'il avait commise, parce qu'il s'est jeté dans l'eau. Et quand vous jetez dans l'eau pour être attiré, pour vouloir soi-disant aller vers ceci, c'est fini, vous disparaîtrez. Vous disparaîtrez. On pourra retrouver votre corps, mais votre âme est déjà partie. Mais on a eu des cas où vous disparaissez totalement. J'ai des histoires qui m'étaient, histoires réelles, qui m'étaient contées par l'une des sœurs, petites sœurs, et des nièces du vieux Nazer Boulingui. Monsieur Nazer Boulingui, qui était l'un des grands soldats gabonais dans l'armée gabonaise. Ces mamans-là, quand j'étais parti à Mouila, à l'époque, je vous amène en quelle année là? En 98. C'est là où je m'étais assis. On m'a expliqué bien l'histoire du lac bleu là. Un ami m'a amené au lac bleu. Vers 23h minuit, on est resté là observer. On a entendu ce tcha. Et les sons que vous entendez là, comme des oiseaux. C'est pareil, ça c'est la sirène. J'ai écouté tout ça. Le gars me dit, tu entends? Ça c'est leur heure maintenant, ils apparaissent. Elle me dit, mais maintenant si moi je me jette là, personne ne va retrouver mon corps parce que je vais disparaître complètement. Ça s'appelle le lac bleu. Ça se trouve à Mouila. Là, c'est une zone où souvent elles apparaissent. Mais je le répète, personne ne peut les voir face à face. Vous ne pouvez pas regarder les yeux d'une sirène comme ça. Et vous la regardez, elle est là, et vous êtes là debout. C'est faux. Vous allez terroriser, tuer. Moi-même, je sais de quoi je parle. Je vous parle du témoignage de Lambaréné. S'il y a des gens qui sont de ma génération, à l'époque de M. Raoul Raimondo, qui était le deuxième maire de Lambaréné, après mon grand-père, Georges Onoubié, vous verrez, on va vous dire, la sirène que les Hollandais ont attrapée, les conséquences que cela va entraîner. À l'époque, le parent, le vieux Rawiri, tout le monde était secoué. Même le vieux Omar, à l'époque, appelé Albert Vana Bongo, il était bousculé. On a sensibilisé les Hollandais, mais vous êtes comment? Laissez nos créatures tranquilles. C'est pour vous dire que la vraie sirène, on ne la trappe pas. Comme je vois dans les réseaux, on poste des trucs. Ça, c'est du montage. Personne ne peut voir une sirène. Sauf les sirènes, comme je vous ai dit, que c'est le cas de l'ouragan Katrina. On a seulement attrapé peut-être deux qui étaient mortes. Et c'était une surprise. On a bien vu leur forme. Avec des seins, tout. Les gens qui ont goûté sont allés même tirer pour savoir si c'est... Non. Vous verrez que la peau, elle est uniforme. Mais les vidéos qu'on vous montre vers le bas, on voit qu'il y a une différence. C'est devenu blanc, en haut c'est noir. C'est faux, c'est pas ça. C'est la même forme, c'est uniforme. D'accord? Donc, je ne veux pas que les gens viennent me poser trop de questions. Non, mais on a vu une sirène là-bas. C'est des histoires. Je vous parle en tant qu'initié des mystères. Je sais de quoi je parle. Ces créatures-là, on ne les voit pas. Il n'y a que le sorcier, il n'y a que l'initié des grands mystères qui est capable de maîtriser cette créature-là. Et il y a des cérémonies qu'il faut faire. Elle ne peut pas apparaître n'importe comment. Ça a commencé comme à Niambié. Non! Donc, rassurez-vous, hein, la technologie a évolué. Les gens sont capables de faire des montages. Et même quand j'ai vu cette vidéo-là d'une petite, elle n'a pas de seins, elle est là, et on montre soi-disant des trucs qui bougent. Oh voilà, il y a des gens qui ont attrapé une sirène. Je vous donne mon point de vue. Vous êtes libre d'y croire. Allez-y vous renseigner auprès de n'importe quel initié des grands mystères. N'importe quel sorcier va vous dire la même chose que je vous dis. Qu'une sirène, on ne l'attrape pas. Si vous l'attrapez, ça veut dire que vous-même vous êtes sorcier. Pour le cas des Hollandais à Lambaréné. Mais c'était des maçons. C'était des grands maçons. C'est comme ça qu'ils ont réussi à l'attraper, mais c'était tout un problème. Il fallait utiliser des tracteurs, de ceci, cela. Parce que la sirène, là, quand elle se débattait, là, on nous dit qu'elle sautait jusqu'à 50 mètres, 100 mètres, elle bougeait. Mais c'était grave. Ça, c'est le témoignage des parents. Moi, j'avais mon oncle Tato Oula qui travaillait pour cette compagnie-là qui construisait les ponts. Il nous a fait le témoignage. Il dit même que tous les malades qui ont vu, tous les travailleurs autant pour moi, qui avaient observé la scène, tous se sont retrouvés malades. Certains sont morts. Parce que c'est une créature qu'on ne voit pas, n'importe comment. Quand vous êtes initié, vous avez la chair de poule. Voilà ce que je peux vous dire sur cette première thématique. Nous allons donc aborder sur ce, si vous avez des questions, soyez-en libre de venir me les poser dans les forums. Ne me posez pas les questions sur, sur la vidéo, parce que sinon, vous allez tout gaspiller. Posez la question, je ne suis pas là pour répondre aux questions sur mes vidéos. Mais par contre, il faut me les poser directement dans les forums, c'est pour cela que nous avons les forums. D'accord? Il faut poser la question dans les forums. Donc voilà ce que je peux vous dire au sujet de nos sirènes. D'accord? Quelles soient des sirènes qu'on trouve en Occident, qu'on trouve chez nous au Gabon, la sirène reste la sirène, comme vous l'avez écouté selon la mythologie grecque, et même les Français y connaissent, les Américains ici on en a trouvé. Mais c'est des créatures rares, sauf si elle a été surprise par la mort, comme le fut le cas de cet ouragan de Katrina qui a fait des milliers de morts. Donc il y a eu plus, on a attrapé peut-être deux seulement de ces sirènes. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Maintenant, nous allons donc passer à la deuxième thématique qui frappe beaucoup, beaucoup, beaucoup, qui fait beaucoup de bruit. Et j'ai écouté une dame qui parle d'un système qui est mis en place au Gabon où maintenant on vend du sperme aux gens. On va prendre une petite pause de 2 minutes et enchaîner avec cette thématique-là. Donc enchaîner avec le deuxième sous-titre de mon thème sur les rien n'est tabou car tout n'est que scientifique et tout n'est que vérité. Et seul quand vous êtes connaissant, c'est seul le connaissant. Un connaissant, c'est celui dont la connaissance a transcendé et qui est passé par des expérimentations. Il a expérimenté et il vient vous faire le témoignage. Donc maintenant, je vais vous parler du sperme, n'est-ce pas? Il y a, sûrement vous avez entendu, je n'ai pas droit d'auteur hein, sur cet audio, mais je vais quand même vous faire écouter cela, hein, parce que plus d'une personne parle de cette affaire-là. On est alerté via les réseaux sociaux, mes machins, qu'il y a maintenant un problème. On fait circuler des informations selon lesquelles il y a des choses. Il y a une nouvelle méthode maintenant de sorcellerie que les gens là ont trouvé. Les enfants de 12 à 17 ans, 17 ans et demi, sinon 18 ans, on les appelle agents des mouris pour les faire remplir des documents quelconques pour dire qu'ils doivent faire des dons de sperme et on les donne 100 000. Et les enfants à partir de 18 ans jusqu'à 22 ou 25 ans sont payés à 200 000 et ils doivent faire leur don de sperme. Ça, c'est quelle nouvelle méthode maintenant? Ça, c'est quelle tuerie? Je parle là, c'est mon enfant. Parce que j'étais en déplacement, l'enfant là m'a dit, je suis arrivé malade que j'étais. Il me dit non, maman Jeanne Bourri m'a appelé, c'est quoi mon groupe sanguin? Parce que je suis en train d'aller faire le don de sperme, ils vont me payer 100 000. Je dis que franchement, tu n'as que 17 ans. Ils vont te payer 100 000 pour faire quoi? À ton âge, tu fais quoi avec les affaires de don de sperme? Tu n'as encore rien fait dans ta vie. Tu es en classe d'examen. Donc méfiez-vous, il faut transmettre ça. Et ce matin-là, comme j'ai parlé à l'enfant et tout, j'ai lui-même appelé mon pasteur pour qu'il appelle pour essayer de persuader l'enfant. Mais les enfants, aujourd'hui, ils attendent 100 francs, 200, ils tremblent dans tous les sens. Il est tellement bon qu'il est venu me demander son groupe sanguin et que je pose des questions pour que finalement il finisse par me dire. Et il me dit, il regrette de ne pas m'avoir dit. Là, ce matin-là, il est parti à l'école, je lui dis, tu laisses ton téléphone là dans ma chambre. Il a mis sur mon avion, j'ai déverrouillé le téléphone de l'enfant. Jean Léboury appelle encore ce matin. Oh bonjour, monsieur tel. Je fais l'audio là, je ne dis pas les noms parce que je voudrais que vous puissiez partager ça. Vous êtes attendu à Jean Léboury, vous avez postulé et il a postulé pour venir faire un don de sperme. J'ai dit que justement, moi-même, j'attendais de tomber sur cet appel-là. Vous êtes une femme. Comment vous pouviez faire ce genre de choses-là? Un enfant de moins de 17 ans, vous le faites signer les documents qui doivent venir donner le sperme par rapport à quoi? Sur quelle base? Un enfant qui n'a pas encore vécu sa vie, qui n'a même pas encore d'enfant. Elle me dit, oh, c'est lui-même, je peux vous montrer la liste. J'ai dit justement, vous effacez le nom de mon enfant dans votre liste. Parce que je vais vous exposer. Oh, mais est-ce qu'on est venu les obliger? Eux-mêmes, ils ont accepté les accords. J'ai dit que madame, ce numéro-là, sachez que je vais vous exposer à partir d'aujourd'hui. Donc, mieux le faire, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont allés s'inscrire là-bas. Les enfants les plus jeunes, à partir de 16, 17 ans, je ne sais pas. 18 ans, montant, je ne sais pas. Donc, il faut partager. On ne peut pas comprendre aujourd'hui. Je n'ai jamais entendu. J'en ai bourré même pour les enfants qui mettent au monde. Il n'y a même plus de place là-bas. Les femmes accouchent, elles ne sont pas sur le sol. Mais je ne comprends pas qu'on va venir faire des dons de sperme pour dire qu'ils vont maintenant faire quoi les enfants par in vitro. Ça, c'est du n'importe quoi. Sachant que c'est une période délicate, ils sont en pré-campagne. On sait comment le pays fonctionne. Vraiment partager. Si j'avais même le contact du Bandeko Hachette, j'aurais donné cette histoire-là. Merci beaucoup. Bon, écoutez, je vous ai fait écouter cet audio. Ça circule dans tous les réseaux sociaux. Et je reste très neutre par rapport aux déclarations de la dame. Je ne soutiens pas forcément tout ce qu'elle dit. Mais je viens simplement vous donner des informations sur cette affaire du sperme. D'accord? In vitro, ça ne date pas d'aujourd'hui. Le in vitro, c'est une procédure où l'homme va... On vous donne un récipient dans lequel vous allez donc, vous savez comment ça se passe, vous vous masturbez et vous faites sortir votre semence. Et cette semence-là, on la collecte, on la prend et on va l'amener à une clinique ou dans un hôpital spécialisé dans ce genre de procédure. Maintenant, je parle parce que j'ai des preuves, j'ai des collègues à moi. Quand je parle collègues, c'est-à-dire des femmes qui sont mariées entre femmes. Maintenant, comment elles font pour avoir des enfants? Donc, celle qui joue le rôle de la femme, c'est elle qui va finalement en période d'ovulation. Quand elle est en période d'ovulation, elle va aller prendre ce, on appelle ça dans le, auprès des banques de sperme, il y en a, et elle, vous payez une certaine somme, vous prenez donc ce sperme, que ce soit celui d'un blanc ou un noir, ça, c'est votre choix. Et c'est bien sélectionné, c'est bien organisé. D'accord? Vous prenez, et la dame donc va l'introduire. On vous explique, on vous l'injecte à l'intérieur de votre utérus. Quand vous êtes en ovulation, eh bien, vous tombez en grossesse. Ça, rien n'est nouveau sous le soleil. Ici, aux États-Unis, c'est très courant dans la communauté gays, là, donc des femmes, femmes entre femmes. Bon, sauf pour les hommes. Les hommes, eux, ils procèdent souvent par adoption. Mais la plupart des femmes, la majorité, au moins 80% des femmes américaines, évitent les adoptions, préfèrent elles-mêmes porter l'enfant pour que cet enfant ressente, si vous voulez, l'amour des parents. Ça, c'est juste à titre informel. Dans l'Égypte antique, c'était pareil. Le in vitro existait. Le in vitro existait. Il y a même certains documents qui... Je ne veux pas choquer mes frères croyants, pardonnez-moi, mais écoutez, vous êtes libre de me croire ou pas. Hein, et que maintenant, si ceci ne vous plaît pas, ne venez pas me lancer les cailloux, vous pouvez rejeter. D'accord? Vous acceptez si vous trouvez que... Si vous avez des preuves. Parce que moi, ce que je vous déclare là, je vous donne la liberté d'aller faire des recherches. Il y a des documents, non seulement de la mer morte ou de la mer rouge, mais également de la Chine, qui nous démontrent par A plus B que l'histoire de la naissance de Jésus, ça a été prouvé que cette affaire-là, dans l'Égypte antique, les gens faisaient ces pratiques-là. Les gens faisaient ces pratiques. Après, on dit non, l'enfant est né d'une vierge. Mais oui, vous pouvez prendre une fille qui est vierge. Si elle est déjà en phase d'ovulation, si elle est capable d'avoir ses règles, l'hymen, c'est juste la porte d'entrée qu'on fait casser. Mais quand il s'agit d'injecter le sperme que vous avez pris auprès d'une société spécialisée en la matière, la femme qui est vierge peut tomber en grossesse. Ça, il n'y a aucun mystère. Faites-en l'expérience. Et ici, aux États-Unis, il y a des femmes qui étaient vierges, bien vierges, n'ont jamais connu d'hommes, qui ont fait l'expérience, on les a injectées, on leur a fait ce qu'on appelle de in vitro. Le in vitro, c'est quoi? C'est le transfert du sperme de quelqu'un, éviter d'attraper la grossesse par l'acte normal de reproduction entre un homme et une femme. D'accord? Ça, c'est faisable. Maintenant, j'ai un document ici. Avant de passer à l'aspect mystique, là, je vous parle de l'aspect d'abord scientifique. Et le sperme, est-ce que le sperme qu'on va collectionner ou qu'on va prendre quelque part pour transférer dans le ventre d'une femme, est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce qu'il faut payer? Oui. Il y a des gens, il faut payer de l'argent. Là, j'essaie un peu de répondre avec toute neutralité hein, par rapport aux déclarations de la maman. Là. Alors, j'ai lu un journal qui a été diffusé. Et ce journal nous parle, le titre c'est « Du sperme bon marché en Afrique ». Je répète, « Du sperme bon marché en Afrique ». Dans cet article qui a été diffusé par un journal africain, et je ne sais pas l'authenticité, mais je ne fais que vous balancer une information, et je demanderai donc le bandekon en chef, puisque son nom a été cité par la dame, qu'il puisse bien mener ses enquêtes avant de venir parler de cette affaire-là. C'est le seul conseil en tant que père, parce qu'il a l'âge de mon fils. D'accord? Mon premier fils a 39 ans. Et il a dit ceci. C'est sur le continent africain, virgule, au Gabon, que la France a trouvé son bonheur. Le sperme gabonais est un des moins chers du monde et d'excellente qualité. L'État donc français a ainsi pu en acquérir 12 000 litres pour un prix dérisoire. La semence africaine servira à inséminer les femmes françaises massivement et à bas prix. Et comme je disais, qui sait si c'est la plupart des femmes, surtout qui sont en couple. Femmes, quoi. Donc, Madame la ministre de la Santé, elle a été citée, je ne vais pas citer son nom, vous la connaissez, a estimé que 250 000 litres de sperme seront achetés au Gabon et à d'autres pays africains au cours des 5 prochaines années. Et l'article continue à dire que le gouvernement Macron prévoit. Je m'arrête ici. Donc, voilà un journal en ligne et dont je ne peux pas ici dire à 100% comme vous. Je dis, nous sommes simplement des lanceurs d'alerte. Pour ce cadre bien précis, je serai très prudent de dire que l'authenticité de ce journal, de dire que ce journal est un fake. Mais ces rumeurs-là, moi, ici, nous ici aux États-Unis, on est au courant, même ici aux États-Unis, ils font cela, ils achètent du sperme. Bon, maintenant, ils ont trouvé que ce business-là, le Gabon serait le pays le moins cher. Donc, maman, vous qui vous lamentez, peut-être que c'est le cas. Il ne faut pas forcément accuser la sorcellerie dans cela. Donc, j'ai dit, je parle avec toute neutralité. Hein. Je n'ai pas nié que la sorcellerie n'existe pas, puisque vous savez, c'est mon domaine. Donc, du point de vue scientifique, là-bas, il faut comprendre cela. Il y a un besoin. Il y a un besoin actuellement. Et le gouvernement gabonais, le gouvernement français, donc, a exprimé, je le dis, je prends ça au conditionnel, d'accord, aurait exprimé ce désir-là d'avoir près de 250 000 litres de sperme qu'ils vont mettre dans leur laboratoire là-bas, pour inséminer auprès de certaines femmes françaises. Parce que la demande, elle est grande. D'accord? Maintenant, ils ont trouvé que celui du Gabon serait de bonne qualité. Bon, maintenant là, moi, ça là, je ne peux pas aller en profondeur. C'est pour ça que je recommande mon petit de bande de cons, en chef, de bien un peu, parce que eux, ils font leurs recherches là. Lui et mon petit frère Stéphane, ils font de bonnes recherches. Moi, je ne suis pas spécialisé. Moi, je ne fais que balancer ce que moi m'a envoyé. Donc, ce que je vous dis, c'est au conditionnel qu'il y aurait un réseau en France qui collecte du sperme. Et que c'est un marché qui n'existe pas d'aujourd'hui, maman. Vous qui parlez dans l'audio, hein, c'est un business qui existe depuis longtemps. Sauf que Dieu merci, vous étiez alerté et que maintenant, c'est ouvert. Mais en fait, c'était des trucs qui se passaient en cachette dans des cliniques privées. D'accord? Ça, c'est le premier aspect. Donc là, vous ne me lancez pas les cailloux. Ici, nous avons des écrits qui disent que le ministère de la Santé, via son président, le gouvernement a décidé qu'ils en ont besoin de cela. Et que le Gabon fait partie des pays africains qu'ils ont ciblés pour avoir cette semence-là. Maintenant, du point de vue mystique, oui, madame, vous avez raison de vous inquiéter. Car, je l'ai toujours dit, et même lorsque j'avais fait une intervention sur la dépénalisation, j'avais bien expliqué que il y a des personnes qui aiment se faire prendre, nous sommes tous adultes, j'espère, et que YouTube ici sait bien les conditions. Donc, ces messages, rien n'est tabou, et que ce que je dis est prouvé mystiquement et dans le comportement de certains individus, que la sémence au cours des échanges entre hommes et hommes, souvent il y a certains hommes qui prennent cela pour des pratiques nuisibles, pour des pratiques mystiques. Retenez bien. J'ai suivi le petit frère Stéphane qui a fait une bonne démonstration quelque part. Je l'ai bien suivi. Et nous, dans la sorcellerie, tout ce qui est humiliation, puisqu'il y a certaines loges maçonniques où on vous parle de la technique, il faut vous humilier afin de vous élever. Technique d'humiliation à afin d'obtenir l'élévation. Et l'une de ces techniques consiste donc à prendre un autre homme par l'arrière, de baisser la culotte, comme on le dit. de déposer des excréments, de pisser, de ceci. Donc quand je l'ai écouté là, pour moi ce n'est pas nouveau, mais chacun fait son boulot. Il a fait ce qu'il a, il a dit ce qu'il a dit, il a ses preuves là-bas, mais moi je viens seulement vous confirmer que dans la sorcellerie, oui, ça s'appelle des techniques d'humiliation. Et le sperme en fait partie, des techniques d'humiliation et également d'élévation. Souvent, la plupart des hommes qui prennent plaisir à cela, il va vous exiger de porter un préservatif, mais rassurez-vous que il va vous dire, ne jetez pas ce préservatif, jeune homme, veuillez me le donner. Donc là, c'est la première forme. Maintenant, s'il exige que vous le faites à balles réelles, eh bien, souvent, tout ce qui va être déposé en lui, il va pouvoir, à un moment donné, dès que vous avez fini, les décharger et pouvoir travailler avec ça. Et travailler avec ça veut dire quoi? Mais il va invoquer les entités. Il va invoquer certaines forces mystiques. Parce que la sémence, ce qu'on appelle le liquide séminal qui sert à la reproduction, véhicule votre vie. Votre énergie est liée à cela. Voilà pourquoi quand vous déchargez, vous sentirez que vous avez perdu presque une partie de vous. Il y a des énergies qui se dégagent. Mais en fait, cette sémence, c'est vous, c'est votre esprit aussi. Voilà pourquoi dans la pratique tibétaine, dans les grandes méditations, on nous demande de nous priver. On nous demande de nous priver des activités sexuelles pour déclencher le monde, pour éveiller le kundalini, le serpent de feu. Il y a une raison derrière cela. Parce que l'Esprit Saint est lié avec le sperme. En d'autres termes, la force cosmique universelle, pour qu'elle puisse travailler, il faut le sperme. Et le fait de conserver ce sperme va renforcer votre pouvoir. Comprenez? Voilà pourquoi c'est recommandé de le faire avec votre partenaire uniquement, de ne pas faire à gauche, à droite. Quand vous le faites avec votre partenaire uniquement, il y a des expériences. On vous demande même de pouvoir vivre ce moment de jouissance ensemble. Et vous verrez ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que c'est à travers ce sperme-là que la vie vient. C'est à travers le sperme que la vie vient, vous le savez très bien. Il faut que le sperme rentre dans l'œuf, l'ovule, pour qu'il y ait création humaine. Donc, c'est des grands mystères dont la vie en elle-même, elle est dans le sperme. Donc, maman, vous avez raison de vous inquiéter. Maintenant, moi, qu'il y ait des gens du gouvernement ou bien qu'il y ait des gens qui font face quoi, pardonnez-moi. Ça, là, je ne peux pas me prononcer parce que je n'ai pas de preuves et je ne peux pas abonder dans un sens que je ne maîtrise pas. Voilà pourquoi je demande, comme vous l'avez demandé vous-même, que le petit Bandeko en chef là-bas, qu'il parle de ça, mais je lui porte conseil. Il faudrait qu'il mène des vraies enquêtes. Mais comme ils connaissent, ils ont leur réseau là-bas. Moi, je me contente seulement de vous expliquer du point de vue scientifique sur le in vitro et ensuite du point de vue mystique aussi. C'est vrai. On me l'a appris et je l'ai expérimenté. Voilà pourquoi je porte conseil aux gens. Faites très, très, très attention. Vous ne devez pas jouir n'importe comment. Et j'avais recommandé les gens de jouir 21 fois durant la période de 28 jours en période lunaire. Il y a une raison. C'est pour l'équilibre de votre vie. L'équilibre spirituel, physique. Mais si vous en faites plus. Et puis, il faut savoir, ça, le dernier conseil que je vous donne aujourd'hui, que je n'ai jamais donné au public, vous ne devez jamais déposer votre sémence sur n'importe qui. Je répète, vous ne devez jamais déposer votre sémence sur n'importe qui. Là, c'est la mort que vous allez chercher. Soit une mort physique, ou bien une mort spirituelle. En d'autres termes, vous avez déjà vendu votre âme. Vous l'aurez vendu soit à des sorciers qui sont spécialisés en la matière, ou bien au diable. Voilà ce que je voulais dire sur ce dernier aspect. Que Teta Mwanga vous bénisse. Sur ce, j'en ai terminé avec vous pour conclure ceci. Les sirènes, ce sont des créatures qui existent bel et bien. Certains pensent que c'est des mythes, mais ça existe. Moi, j'en ai vu personnellement et on les voit rarement. Mais souvent, ils ne se montrent pas au public n'importe comment. Et seuls les initiés peuvent réussir à les canaliser, car c'est des créatures très capricieuses. Elles émettent des sons qui sont plus puissants et qui peuvent aller à des centaines de kilomètres plus loin que le radar du requin. Je le répète, la sirène, quand elle est fâchée lorsqu'elle émet des sons, c'est plus puissant que le requin. Voilà pourquoi je vous ai dit que vous ne pouvez pas l'attraper. Parce que quand vous l'attrapez, quand elle va lancer le cri, vous tous, vous allez mourir, vous allez saigner. Comme Maman Isis l'avait fait. Souvenez-vous, Maman Isis, dans l'histoire de l'Égypte antique, lorsqu'elle a découvert pour la deuxième fois que son beau-frère et en même temps son grand-frère, celui qu'on appelait Seth, avait découpé le corps de son frère, roi, et en même temps mari, en 12 morceaux, d'accord, et que le 12e morceau manquait, elle a réussi à ressusciter. Cette fois-ci encore, il a fait autre chose, et là, elle avait lancé un cri. Ce cri-là était, avait traversé de l'Égypte jusqu'au Soudan. Les gens ont entendu ce qui était au Soudan. Bon, ça ne s'appelait pas Soudan à l'époque. C'est-à-dire que le cri d'Isis là avait traversé plus de 500 kilomètres. Tous ceux qui étaient dans un rayonnement de 500 kilomètres carrés, tous mouraient à cause du cri que Maman Isis avait lancé. Vous comprenez? Donc, il y a un pouvoir dans la sirène. Et le cri de la sirène est plus puissant que le cri de Maman Isis. Pourquoi? Parce que c'est des créatures incarnées. C'est des créatures qui sont qui ont double pouvoir. Ils ont le pouvoir à la fois mystique et physique. Physiquement, même les autres poissons ne peuvent pas. Ils ne vivent que des autres poissons. Ils mangent les autres poissons quand ils vivent sous la mer. Il y a des documentaires qu'on montre là-dessus. Ok? C'est des créatures qui ne blaguent pas. Et maintenant, dans le monde mystique, n'oubliez pas que ce sont des anges. Lesquels anges avaient été privés de la lumière du départ. Donc ça, il faut le retenir. D'accord? Maintenant, ceux qui doutent, faites un peu vos recherches avant de douter. Et maintenant, sur cette affaire du sperme, retenez que la vie est dans le sperme. La maman qui a lancé le cri d'alarme, elle a raison de s'inquiéter. D'accord? Mais je prends cela avec beaucoup de réserve. Je vous ai seulement expliqué scientifiquement que l'affaire de in vitro, là, il y a une grande demande de sperme, et surtout l'Afrique. Voilà. Il y a une raison. Je ne vais pas rentrer. Ça fera l'objet d'un autre enseignement. Parce que j'ai lu les documents qui expliquent la qualité du sperme de nos jeunes qui sont en Afrique, précisément celui du Gabon. Rassurez-vous, je ne suis pas sourd. Je suis tout cela de près. Il m'est interdit de rentrer dans le monde de la politique, mais du point de vue scientifique, je détiens certaines informations. Et dans du point de vue mystique, oui, votre sperme, c'est votre vie. Car la vie est dans le sperme. Soyez bénis, bonne journée, merci encore. Que Teta Mwanga vous bénisse. Merci beaucoup. Merci.